Selon les informations en provenance de Corée du Sud, les formations féminines de Busan ont tenu le 24 devant le consulat américain dans leur région la conférence de presse pour exprimer la protestation contre la disposition de SAD, pour le démantèlement des équipements de la guerre biochimique et autres réclamations. Les orateurs ont affirmé de démanteler sur le champ le laboratoire biochimique installé au quai numéro 8 du port de Busan. Ils ont déclaré que les États-Unis doivent interrompre immédiatement la disposition de SAD menaçant la paix dans la péninsule coréenne et que le gouvernement doit s'efforcer pour le dialogue sud-nord et la conclusion de l'accord de paix avant la disposition de SAD.